ciel n'était pas bleu et la ville était laide. Elle m'avait demandé tout simplement de l'aide. Elle me parlait d'amour en y croyant à peine. Elle me parlait d'amour pour éteindre sa haine. Elle portait en son ventre un enfant qui bougeait. C'était dur de l'entendre tant ses mots sonnaient vrais. Elle m'a dit que la vie lui faisait souvent peur. Elle me parlait de haine, le cœur tout en dehors. Elle caressait son ventre, le mien était serré. J'aurais voulu la prendre par la main, l'emmener loin de la grande ville, de la morte cité. Quand on n'a pas de fric, on reste prisonnier. Les gens qui nous croisaient avaient des yeux méchants. Je sais ce qu'ils pensaient, ils le pensent souvent. J'aurais voulu gueuler, insulter les vivants, hurler au monde entier d'écouter un moment. Elle s'est mise à pleurer comme pleurent les enfants. J'aurais voulu l'aider, je restais impuissant. Y a-t-il quelqu'un sur terre qui aurait su les mots? La vie est une guerre qui se fait sans héros. Elle m'a dit qu'elle m'aimait comme on aime un ami. Pourtant je n'ai rien fait, pourtant je n'ai rien dit. Sa bouche frôla la mienne et puis elle est partie. Comme une pauvre chienne protégeant son petit. Le ciel n'était pas bleu et la ville était laide. Elle m'avait demandé tout simplement de l'aide. Je me suis arrêté pour écouter son cœur. Si tu peux t'arrêter, arrête-toi.